Ne pleure pas, ah, hey. Je vais pas te pardonner. Ça y est, j'ai trop donné. Notre amour s'est envolé. Je contrôle plus ma colère. Ne sois pas désolé. Je vais des billets violets. Oui, mon haka sur tes lèvres. Y'a plus d'amour. Ma belle, t'as déconné. Sans toi, je vais décoller. Avec toi, tes paroles en l'air. Je me retrouve isolé. Pourtant j'étais sincère. Personne va me consoler. À part le rap et quelques frères. Je m'appris pour un taré. Maintenant c'est plus pareil. Je te jure j'étais carré. Pourquoi t'as tout foiré? Moi je voulais ton bonheur. Hey, je voulais que tu sois ma reine. Tu me parles de Ferrari, de sortie de Khalis. Vas-y fais ta vie. Tu fais que ton salaire. Je vais grimper la falaise. Faire du fois ton salaire. T'as même plus de valeur. Même plus de principe. Eh, t'es qu'une fée facile. Mes potes t'ont eu avec facilité. T'es tombé dans le piège et sans hésiter. Tu m'as dégoûté. Tu m'as négligé, yeah. Tout ça pour des futilités. Pour des futilités. Ne pleure pas, ah, hey. Je vais pas te pardonner. Ça y est, j'ai trop donné. Notre amour s'est envolé. Je contrôle plus ma colère. Ne sois pas désolé. Je vais tes billets violer. Oui, mon haka sur tes lèvres. Y'a plus d'amour. Ma belle, t'as déconné. Sans toi je vais décoller. Avec toutes tes paroles en l'air. Je me retrouve isolé. Pourtant j'étais sincère. Personne va me consoler. À part le rap et quelques frères. En vrai j'ai le démon. Piégé dans son filet. Et je sais que tu mens. Quand tu disais que tu m'aimais. Je repense à ces moments. J'en ai un goût amer. Tu m'as tiré des emmerdes. Dis-moi à quoi ça sert. Pourquoi tous ces câlins? Pourquoi toutes ces promesses? Pourquoi t'as fait le poète? Pourquoi tu restes muette? Pourquoi t'as tenu et vas arrête de crier? Fais pas la fière, non ça date pas d'hier. La vérité c'est que j'ai mal, mais je te le dirai jamais. Tu m'as brisé le moral, pour nous je visais le sommet. Ne pleure pas, ah, hey. Je vais pas te pardonner. Ça y est j'ai trop donné. Notre amour s'est envolé. Je contrôle plus ma colère. Ne sois pas désolé. Je vais des billets violets. Oui, mon haka sur tes lèvres. Y'a plus d'amour. Ma belle, t'as déconné. Sans toi, je vais décoller. Avec toutes tes paroles en l'air. Je me retrouve isolé. Pourtant, j'étais sincère.